Thank you. légèreté, des notes de guitare, rapidité, flexibilité. Les alentours, agilité, réagir, attraper encore, essayer. Parking mal éclairé, nous sommes des humains, tour mal défini, nous sommes, nous essayons, nous ratons. Nous essayons encore pour rater mieux. Nous sommes. Yeah, we know there's a lot of language. Guitar is cool. Acrasie générale. pas pouvoir voir. Les solutions, les causes du problème. Local, complexe, solution au problème global. Acrasie générale. Trop difficile de voir en moi le problème. Trop fatigant d'être moi. Épuisé par le système. L'acrasie générale. L'atomisation des problèmes. Chacun de nous la solution, dissolution, problème, équation complexe, et on l'a. Société du spectacle, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais. Winter or spring. One day.